leur parrain et je compte tous les moutons. Si tu le sens pas, pas, je compte sur toi. À mon école, j'ai j'en plus rien à faire ici. Faut que tu vas, toi, tu vois, je dis.